Selon le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple, le syndicat ouvrier national des emplois irréguliers des écoles et la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques ont tenu le 1er juin une conférence de presse à Séoul pour déclarer une grève générale pour la suppression complète des emplois irréguliers et l'augmentation des salaires. Le même jour, la succursale de Busan du syndicat ouvrier national a tenu une conférence de presse devant le bureau de l'enseignement de la ville de Busan pour déclarer une grève générale à la fin de juin, surtout pour rendre réguliers des emplois irréguliers.